songe à Jésus-Christ. Pense-lui à Jésus-Christ. Il a promis de revenir et c'est sérieux, il revient. Ça peut paraître une vieille comédie. Comme un vieux racontard. Comme une rêverie de certaines personnes. On dirait exalté des extrémistes, des fanatiques. Mais c'est la promesse du Dieu vivant. Il revient bientôt. Seras-tu prêt? Nous prions. Tu as bien aimé. Nous te remercions ce matin pour ce grand amour que tu manifestes pour nous rassembler au nom de Jésus-Christ en ce lieu négligeable, mais où ton nom est important. Ta parole est valorisée. Ta parole est respectée. Ta parole est prêchée aussi fidèlement que nous le pensons, que nous le souhaitons, que nous le voulons. Nous sommes déterminés sur la terre des vivants à accomplir ta volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta gloire se manifeste en faveur de nos âmes qui n'ont besoin de rien d'autre que du salut de Dieu et ton plan du salut. Nous voulons en faire partie intégrante. Être participant. Être bénéficiaire de l'exécution de ton plan. Entends la prière de chacun et fais-nous voir ta gloire. Jette les ténèbres dehors, les ténèbres de doute et d'incrédulité, les angoisses et les incertitudes, des questionnements interminables. Seigneur, tu es la réponse de Dieu. Quand tu es là, la paix trouve place. Et la marche est joyeuse, merveilleuse. Tous les fardeaux sont ôtés, Seigneur. Car tu t'es chargé de nos maladies mères, de nos douleurs et de nos péchés, de nos iniquités, sur les bois du calvaire. Tu as porté ces fardeaux pour nous libérer de toute contrainte, de tout esclavage, de toute servitude. Tu es venu nous acquitter. Nous acceptons ce prix payé. Nous acceptons l'œuvre achevée du calvaire. Nous acceptons le sang précieux d'Emmanuel. Nous acceptons le travail abattu par le Fils de Dieu. Comme étant bénéfique pour nos âmes. Et cela pour l'éternité, Seigneur. Reçois chacun à ta présence. Nos esprits devant toi. Saillent-les ce matin. Façonne-les, mon Jésus. Réveille chacun de nous. De tout sommeil. Secours-nous à ta présence. Vois que tu les souffles devant toi. Parle à chacun. Par l'évangile qui donne vie. L'évangile qui salue. Guérit les malades. Toutes les faiblesses. Toutes les infirmités. Où qu'elles se cachent dans le corps. Qu'elle soit chassée de nos corps, mon Dieu. C'est toi qui envoies la parole du salut pour sauver nos âmes et pour guérir nos corps. Nous voulons être témoins de la puissance du salut, de la puissance de résurrection et avoir des corps en parfaite santé pour être des meilleurs soldats pour Jésus-Christ. Pas de blessés de guerre, pas des invalides, mais des soldats aptes au front. Ôte l'invalidité par nous. Toute forme de paralysie spirituelle, ôte la diminuée de ton peuple. Donne l'efficacité à la foi. Que chacun l'exploite complètement. Pour devenir un témoin de Christ. En tout lieu, à tout moment. Reste avec nous ce matin. Bénis l'église de Dieu dans le monde entier. L'église épouse parole. Bénis-la et visite-la. Au nom de Jésus-Christ. Le tout-puissant conquérant. Le merveilleux et le miraculeux. Dieu fidèle, de miséricordieux. Nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Toujours et encore dans la Sainte Bible. 1 Pierre chapitre 3. Nous prenons le verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Nzambi Christo akufaki pona masumu mbala moko po na libela. Ye moyenge beni mpona bakeseni. Ete abele misebiso na Nzambe. Abo mama kisolo na nzoto na ye. Mpe azalisami na bomoi na molimu. Na yango mpe akenda kikosakwela kamilimu mikangami. Bango bazanga ki kondi makalakala. Wana ezalaki Nzambe na motema molayi tango na mikolo na Noa. Nano ezalaki ebe kotongama. Bato mingi te bubele mwambe. Babikaki na kati na yango mpona mayi. Matthieu chapitre 7 verset 14. Matai mukapo ya sambo mulongo ya zomi na mine. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Poète ekuke ezalinde nkaka. Penzela ekangami oyo ekole kaka na bomoi. Mpe ba oyo ba komona na yango bazali mingi te. En Corinthiens chapitre 15e. Le verset 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Tala nazali koloba na bino likambo libombami. Biso nyonso tokolala te. Nde biso nyonso tokobongwa mokindo mosusu. Na mwatango mwa moke. Na tango na kubweta na liso. Wana ekoyula kelelo na suka. Nzambi kelelo ekolobaka mpe bakufi bakosekwa na kozanga kopola. Pe biso tokobongwa na mokindo mosusu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Souhaitant à chaque âme la bienvenue devant Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur. Bienvenue dans l'évangile de Dieu. Bienvenue au pied du Seigneur. Dieu qui vous aime, Dieu qui nous aime. Bienvenue devant lui et sentez-vous à l'aise. Bienvenue devant celui qui vous aime. Il vous a tellement aimé. Il veut faire de vous un royaume des sacrificateurs. Faire de vous des rois et des sacrificateurs sur cette terre. Dans son grand amour. Et il nous a déliés de tout esclavage. De toute prison. Il nous a liés de tout péché. De toute iniquité. Pour nous mettre à son service. L'esclave ne saurait bien servir Dieu. Celui qui est esclave doit d'abord être libéré. Une fois libéré, il peut bien servir Jésus. Dans Apocalypse au chapitre 1, vous vous souvenez de ce qui est écrit, c'est à quoi j'ai fait allusion ici. C'est Jean qui écrit aux sept églises. Verset 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Les témoins fidèles. Quand il témoigne, il est fidèle dans son témoignage. Il n'exagère rien, il ne minimise rien. Il ne déforme rien, il ne dit que vrai. Les témoins fidèles. Le premier-né des morts. Oui, il est le premier-né des morts. Par sa résurrection d'entre les morts. Il est le premier-né des morts. Et il est le prince des rois de la terre. Il est le prince du roi de la terre. C'est lui, Jésus-Christ, mon principal. Il est notre principal. Il est mon premier, il est ton premier. Si tu veux aller loin, prends-le comme exemple. Prends-le comme appui. Prends-le comme référence. Si tu veux aller loin jusque dans l'éternité, il faut que Jésus soit ton modèle. Qu'il soit ton repère. Nous sommes d'accord. À celui qui nous aime. Voilà. Naye oyo alingi biso. Ça doit être clair dans chaque cœur. On voit Jésus nous aime. Et Yesu alingi biso. Et dans ce groupe de ce que lui Jésus aime, il y a toi. Na etonga ya ba o wana Yesu alingi hiyo pe na kati. Tu y es l'un d'eux. Vous avez des moko na bango. Non pas par ses efforts, ni par son vouloir, mais par sa miséricorde. Vous allez pas parler na bosa ona ye. Il t'a fait grâce pour que tu sois du nombre. Cela doit être clair dans chaque cœur. Il ne doit y avoir aucun doute à ce sujet-là. Au sujet de l'amour dont Jésus-Christ nous aime. Ne pas discuter ça. Il l'a prouvé et c'est évident. À celui qui nous aime. Qui nous a délivré de nos péchés. Par son sang. Qui est celui-là? William Branham? Evald Frank? Evald Frank. Levi? Levi. Oh. Baruch Kassongo? Azalindendo Baruch Kassongo. Dioka Sangunuja? Azalindioka Sangunuja. David Chibangu? David Chibangu. Mobonga? Bunga. Et qui est celui-là? Mutongo qui nous aime. Oyo alingi biso. C'est lui qui nous aime. Ye oyo alingi biso. Et qui nous a délivré de nos péchés. Parce que quoi biso na masumu na biso. Par son sang. Na nzala na makila na ye. Par son sang. Na makila oyo ye moko. Est-ce c'est moi qui mbangu? Ezali na si mona kimbangu. Qu'on se dise la vérité. Tolo banana na solo. Ça ne sert à rien de se flatter. Ou de nous tromper les uns les autres le long du chemin. Qui est celui-là qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés? Peut-être que si toi tu n'es pas encore délivré de tes péchés, c'est ce que j'ai dit là, ne te dira pas encore grand chose. Tu dis, bon, moi je suis encore comme j'ai toujours été, mais délivré par qui? Par qui? Mais qui est celui-là? Je ne le connais pas. Je ne connais pas, monsieur. Je ne le connais pas. Mais pour quiconque a déjà expérimenté la délivrance de ses péchés. D'être délivré de ses péchés. Être délié. Il était lié par le péché, mais une puissance, un être est intervenu pour briser les liens. Yo, kangamaki pesa na bisala sala ya masumu. kasi mutu moko ayekezi akata penza obanda ko salaka biloko obanda ko sala ya madowa na ce péché qui te malmené masumo ya banda ko tungisa yo il était comme le maître d'esclavage et dans la quête il te contraignait et t'obligeait. Il ne faut pas faire ça dans ma cache et ton salaire pour faire. Il ne te donnait pas un espace de liberté. Il ne faut pas faire ça comme pour faire. Il t'avait lié jusqu'au cou. Et quand la guerre qui n'en a pas. On dirait qu'il t'asphyxiait ce péché. Mais que quelqu'un soit intervenu. Un être compatissant. Qui a pitié de ta condition misérable. Qui t'a vu dans sa misère profonde. Et il est intervenu pour te donner la liberté. Et c'est en son nom que tu te mets à chanter, comme moi autrefois, le Seigneur m'aime. Bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour, je redirai tout, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, la plus amère, dans la misère, je plongé. Je redirai ton Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, j'ai gémissé. Maintenant, je redirai toujours le Seigneur m'aime. Ah oui, mon Seigneur m'aime, il est à vous. Comment vous allez vous portant ma peine à longue chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours le Seigneur, je veux le répéter indéfiniment. Dieu dans sa grâce et à la place. Oh Dieu dans sa grâce, prie son cher fils. J'ai redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, mais il est pas. A-t-il fait en sacrifice à la justice, en sacrifice à l'éveil, et de tout cœur, je redirai toujours le Seigneur m'aime, que le Seigneur m'aime, qu'il est à l'éveil. Et alors le poids immense. Et quoi et sur le calvaire Golgotha. Souviens-toi. Eli, Yama Sebastani. Eli, il va mourir à ma place. Et pour moi, je redirai tout le Seigneur m'aime, mais il est à moi. Il purifie tout ma volonté, Oh oui, toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, toi, Je dis que ceci doit être clair dans chaque cœur. Ce n'est pas à discuter, le Seigneur aime réellement. À celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Vous connaissez qui est-il? À qui nous avons chanté cette chanson? À cause de qui nous avons chanté? Et pour qui nous chantons chaque jour? Levé du soleil jusqu'à son couchant. Le son nom qui est célébré. Mais c'est Jésus le tellement fidèle. Quand il dit qu'il t'aime, alors il t'aime. Pécheur, je voudrais te guérir, c'est vrai. Je vis tes larmes et ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. C'est encore vrai. Pécheur, je voudrais te guérir. Pécheur, c'est moi ton sauveur. Pécheur, écoute ma voix. Ma douce voix. Je vis tes larmes. Toi qui pleures, jour après jour tu pleures, des longues semaines tu pleures, des mois durant tu pleures, je vis tes larmes. Jésus témoigne avoir vu tes larmes. Il est le témoin fidèle. Je vis tes larmes et ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Même si la parole paraît dure, difficile, nous y obéirons quand même. Car c'est la clé des miracles. L'obéissance à la parole, c'est la clé des miracles dans la vie. Et pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Et l'État est mère, qu'est-ce que tu lui offres en retour? Je te propose de lui offrir l'amour. Comme l'évangile nous a enseigné, toi et moi, c'est Jean qui a écrit ça pour nous. Nous l'aimons parce que il nous a aimé le premier. Pour d'autres part, pour ceux qui me concernent, moi et toi, nous l'aimons, non pas en vain, ni par hasard, ni pour rien, mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Le salut de mon âme. Pendant que moi-même je n'y pensais pas. Mais il a fait le salut pour mon âme. Oh, parce que mes malheurs cognés, mon Dieu est à Il aimait toujours. Parce que je me souviendrai qu'il m'a aimé, il a manifesté à Golgotha. Cet amour me liera plus fort que les choses du monde. Cet amour divin me comprendra mieux que les influences du monde. Cet amour m'intéressera plus que les influences d'amis de ce monde. À celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance de au siècle des siècles. Amen. C'est écrit comme ça. Amen. Amen. Et j'en ai bongo, goûté la bongo, seconde à seconde. Amen. Ye oyo a kango la biso, na masumu na biso, nyos. Ye oyo a komisi biso, bakons. Ozana bokonzi. Amen. A komisi yo, mokonzi. Amen. Tu as l'autorité, l'exercice de la royauté dans les domaines spirituels. L'autorité en tant que fils ou fille de Dieu est supérieure à l'autorité de tout ange du ciel. Elle est supérieure aux autorités des chérubins, des séraphins, des archanges. Alors quand il s'agirait des démons en face de toi, ils n'ont ni pouvoir ni influence, car l'autorité que Dieu t'a donnée est supérieure à celle de Michaël. Amen. Michaël est un serviteur de Jéhovah. Mais tu es un fils de la maison. Dieu est un père, j'étais un serviteur. Mais il ne reniera jamais son sang. Dans le lobby, Lucifer n'était-il pas un chérubin? Lucifer, la Zalakite. N'a-t-il pas été un chérubin dans la présence de Dieu? Les anges qui étaient, qui sont derrière lui. Bangelou des démons. Bangelou. N'ont-ils pas des serviteurs au sein de les autres qui sont là? N'ont-ils pas été rejetés de la présence de Dieu? Bangelou est au sein de combien de leurs démons? Bazali Simaya, Lucifer. Bazali qui met Bangelou du poisson dans ta main. Bazali qui met Bazali. Mais Zamba bon qui sera marqué là naïti. Amen. Non. Bano y a les abos qui les loba. Amen. A compris qu'il sera bangoté. Quand il a su, il a compris, il a constaté qu'ils sont perdus pendant les générations, il a quitté son trône lui-même. Il est descendu de sa gloire. Il a dit na yoki pe mingi, si kana kiti, na koma loko la bango, na bike la wala bike la ka, na mwana ba pasi ba mwana ka, na le la loko la bango. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Alléluia! Est-ce que tu es son enfant? Et la Bible ajoute, assurément, ce n'est pas des anges qu'il dit en aide. Aïe, quand tu as pour souffrir ta bange, nous envoyé en aide depuis des siècles. Jamais Dieu n'est descendu pour lui. Zambé, à qui t'as quitté pour là? Les démons sont tombés depuis des millénaires. Jamais ils ne le savent pour secourir les démons. Nzambe a quitté la poète à Sungata Bangoti. Bakita Bongo, Babengana Bango, Aïdouana Bango, Babengana Mokara. Bosana Bango. Mais pas la balle à yé. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Les jours même où l'homme est tombé. Dieu annonce déjà qu'il va venir sur la terre. Moi, il est la réalité. Le même jour, il annonce le programme. Moi, il est la réalité. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Kino a fait repérer lui. D'avoir repéré mon document, c'est tout bon. Mais, nazo sakola, nakoya nan sotom. Nakoya ko bigisa. Nakoya ko kamola. Nakoya ko racheté. Amen. Mais quand Lucifer a semé les troubles, tant que Lucifer la boîte ma cambouna. Zamba Fanina qui m'a causé le colopuna. Aïe, Miska Mikaël, qui paye. Mikaël, qui paye. Zamba Fanina qui m'a causé le puna. Qui paye Lucifer ou à l'abri. Mikaël a affronté, il les a terrassés. Oui, ça qui pensa, Lucifer. Mais les jours même où le mettre dans le dessus. Voyez la réalité. Dieu ne pouvait pas voir le repos. Il a commencé à aller partout. En train de chercher l'homme perdu. Ça, c'est l'amour d'un père. Et son père, il est le rédempteur. Il est pour nous un sauveur parfait. Crois-tu qu'il est sauveur parfait? Sans pareil, il n'a pas d'égal. Et mon côté. Je vous assure, mon côté. Et il est venu le prouver. Lisons Romains chapitre 5. Comme l'évangile est merveilleux. Béni soit le nom du Seigneur. Il est dit ceci, au verset 6, Romains 5, verset 6, à 9, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais attention. Mais Dieu prouve son amour. La preuve. Amen. Ce n'est pas le bien matériel que tu peux avoir. Ce n'est pas le vélo qui va te donner. Même pas le hélicoptère auquel tu aspires. La preuve. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah, amen. Amen. Dieu a prouvé cet amour. C'est un amour prouvé. Il n'est pas présumé. Même pas supposé. Mais il est déjà démontré. Par quoi? Par le souffle de vie que tu as. Parce que le souffle de vie, même les pécheurs l'ont. Mais qu'est-ce qui fait que toi tu sois aimé particulièrement? C'est qu'il a donné sa propre vie à ta place. Il t'a pas laissé aveugle, mais il t'a ouvert les yeux pour que tu voyes son grand sacrifice du calvaire. Et ressentissant dans ton cœur que c'est pour toi. Et tu te laisses convaincre que c'est pour moi. Tout cela, c'est l'expression de l'amour de Dieu. D'un bout à l'autre. L'amour rédempteur. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? La colère capenza. Ah oui, l'homme qui pissonne en zéla na makila na ye. Tokobika na tango na kanda. Car, verset 10, si lorsque nous étions encore ennemi, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous habitons à la Kiliboshoba Yinanzambe. Soko, ton zongi na bonde konanzambe pona kufa na mwana na ye, mbe na koleka penza, si mana kozonga na bonde kotokobika na bobo inayi. Cette vie qu'il a donnée est une vie qui nous a sauvés. Bomo y oya pesaki, ne yango bikisbiso. Il n'a jamais donné sa vie en vain ni pour rien. Les effets retours sont obligatoires. Et nous voici. Nous sommes le fruit de ce sacrifice. Comme c'est merveilleux. Dans Jean chapitre 15, au verset 13, Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Pas de plus grand amour que ça. L'amour de Dieu ne se prouve pas quand il t'achète les habits. Quand il te donne à manger chaque jour. Même les païens ont ça. Mais qu'il ait donné sa propre vie pour que toi tu reçoives cette propre vie. Kuna akufela ki bato nyonso awasi ebale na ngulube ebime pona biso Yesu yakufela ki na ngomba na ngomba na ngomba na kolokota na ngomba na kolokota na ngomba na kolokota kolokota Dans Jean chapitre 10, il est écrit au verset 14-15, comme le Père, non, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Ngai, nazali mobatele malamu, na yebi bawo ya ngai pe bawo ya ngai bayibi ngai. Lokola tata yebi ngai, ngai pe na yebi tata, pe na kupesa bomoi na ngai po na bampate na ngai. Il a donné sa vie pour ses brebis. Apesi bomoi na ye po na bampate na ngai. Et ce sacrifice là est la preuve d'un amour sublime, un amour suprême, exceptionnel, qui n'a pas de pareil ici-bas. Pembe kayango, ezali na kotalisa bolingo oye leka. Bolingo oye nkwa, bolingo oye, epokane atana bolingo mokote awanansi. Verset 27-28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Alléluia. Bampate nangai bakolo kaka mungongo nangai. Pe ngai na ebi bango pe bakobila kangai. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Nasali na kotasa bango bomoi. Na seko. Ça j'aime. Il a dit lui-même, il est le témoin fidèle. Je leur donne la vie éternelle. Qui va s'opposer? Qui saura s'opposer à ça? Lui le souverain dit, je leur donne la vie éternelle. Il ne saura rien, mes frères. Lui, le souverain dit, je leur donne la vie éternelle. Faire quoi de ma vie? Je ne les remplace pas. Je ne suis pas l'esclave. Je suis le possesseur de tout. Moi avec les démons, il ne tient pas nos guipettes et aussi parce que les réunions sont beaucoup plus longues. Il avec les démons. Et ça les bango. Ouais. Parce que Kauka, peut pas tout là. Oui. Amen. Là-bas, réunion là-bas, mon bidon. Même les rassemblements. Nous avancerons avec Jésus, hein. Toujours avec Jésus. Bakolo kabako lemba. Amen. Bako ambute, bako katana. Ils vont tout faire. Ils vont échouer. Le loup qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que celui qui croit dise Alléluia. Alléluia. Nous sommes certains de notre acte. Et nous connaissons sa force de frappe. A boa qui s'abandon à l'ola, à bêta bango kara bamboula la bamboula, à sungola bango de gata milili. Bon, on va appeler ce bisou valet. Il les a chassés de Dieu. Il les a chassés de Dieu. C'est nous qui parlons devant Dieu. Amen. C'est nous qui parlons. Nous, démontez, donc il s'est dans la récité. Pas rien. Sorcier. Mais qu'il est dans la récité. Amen. Le sang n'est pas le même. Et je vous dis que vous jamais connu Mango. Oui. Et ça pour été. Il ne va jamais accepter ça. Chaque fois qu'on va lui brandir le sang, il sera agité comme un serpent pour été. Tant que nous sommes sortis au talité, ma couleur. Ma confiance, c'est le problème. Il n'y a pas de pète. A quoi il y a un peu ma fille, sans pitié. Ouais. Voyez, frère. Vous me demandez. Vous ne compatissez pas avec les démons. Dis non. Vous ne connaissez pas les démons. Ne courtisez jamais avec le péché. Et ma confiance, c'est le démon. Mongouna. Démon. Mongouna. Amen. Les démons. Zambé. Moninga. Dieu notre ami, l'ami fidèle, le Seigneur Jésus-Christ. Galagis, Mongouna, un féticheur, Sologa, Mongouna, un sorcier, c'est ton ennemi. Mais Yesu, Moninga, Jésus-Christ, l'ami fidèle. Ah, il faut que ce soit clair comme ça. C'est que les gens appellent les bonbonnes. Amen. Nous le connaissons et lui nous connaît. Tu es bien, il est bien, il est bien. Notre témoignage est en lui. Écoutez ça. Mes brebis entendent ma voix, je le connais et elle me suit. Je leur donne la vie. Et elles ne périront jamais. Et personne à leur personne ne les rendra de ma main. C'est l'assurance. Quelle sécurité. Quelle garantie. Ça c'est plus que l'assurance vie des sociétés d'assurance de la terre. Être tenu dans les mains de celui qui a le pouvoir sur la mort, le séjour des morts et l'enfer et tout, et c'est lui qui te tient. Lui qui vit éternellement. Et c'est lui qui te tient toi dans sa main. Ouais, si Dieu ne le fait pas. Et dans le témoignage, je te rassure que personne ne te rasera de sa main. Ouais, j'allais n'a pas conduit du colonne à l'Ouali. Parole écrite, parole manifestée, parole écrite, parole démontrée. Que cette parole reste gravée dans ton cœur. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est ça. C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, Amen. Aille la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Son Fils de Dieu est celui qui nous a aimés. Son Fils de Dieu est celui qui nous a délivrés de tous nos péchés. Par son sang. Son Fils de Dieu est celui qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Pour Dieu son Père. Donc, ton commis bakonzi na banganga zambé. Bon zambé tata na libre. Amen. Nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs pour le Dieu notre Père Céleste. Maintenant, ça c'est une question. Méditation ce matin. Sera-t-il bientôt enlevé? Yope Kalamingi. Kalamingi, tu connais Tolama? On se les pose cette question. Sera-t-il bientôt enlevé au ciel? Yope Kalamingi, tu connais Tolama peine à l'eau là. C'est qu'il est sûr, un enlèvement vient. Ouais, c'est le thé, connaître la maison de Koya. Jésus a déclaré tout ce que nous venons de dire. Yes, ou ti koloba manso, ou ti koloba. Ce sont des paroles certaines et véritables. Il n'y a aucune incertitude dans tout ce que le Seigneur dit. Et l'enlèvement aussi vient. Connaître la paix et salut Koya. Cet enlèvement est évident. Connaître la mango et salut Solo. Cet enlèvement aura effectivement lieu. Solo pensa connaître la mango et que ça lève. Il est si proche. Plus proche que vous ne le pensez. Et Frère Branham, quand il en parle, en toute modestie, il dit ceci dans le Seigneur, confirma sa parole. Dieu confirma sa parole. Le 16 août 1964. Le paragraphe 254. Il dit, eh bien, ce n'est pas parce que ce frère Branham, il n'est qu'un homme ordinaire. Il n'est qu'un homme, hein? Il ne faut pas que quelqu'un s'achoppe aussi à entendre que ça. Mututi abeta libaku na koloka likambo bongo. Mutu wani ke prana mete no ordinaire. Wani ke prana mete no ordinaire. Mutu nyoso, mutu nyoso, mutu nyoso. Nga ite na ngomi se homme ordinaire. Nga ite. Ye moko ami reconnaître un homme ordinaire. Pas moi qui le fait un homme ordinaire. C'est lui-même qui se reconnaît comme étant. Comme les esprits faux et idolâtres sont agités. Le problème mili mou yama be. Be, ko sambele bi toko. Si ke oposo. A tout même aux vérités élémentaires. Abandi ko sele me nyoso atako. Tellement ils sont égarés. Ils ne connaissent ni le chemin de vie, ni la vérité divine. Ne dites pas, et ce n'est pas parce que c'est propre un homme. Il n'est qu'un homme, hein? Il n'est qu'un homme, hein? Et probablement que si l'enlèvement a lieu ce matin, vous pensez à l'enlèvement. Si l'enlèvement a lieu ce matin, j'ai dit ceci avec humilité. Et ça, il parle au Branham Tabernacle. Si l'enlèvement a lieu ce matin, j'ai dit ceci avec humilité. Il y a point de doute que la moitié de cette assemblée, si nous y allons en tenant compte des diplômes, la moitié de cette assemblée, ou si nous y allons en tenant compte de la position que nous devrons avoir, alors la moitié d'entre vous partirez avant moi. Amen. Concernant l'enlèvement dont nous parlons, une condition pour l'enlèvement, qui est comme condition pour parler ma diplôme toujours. Ce sont nos diplômes que nous avons reçus aux études. Ou ma position tout ça dans mon avis. Si. Ou ton mon clair dans la vie. Parce que nous voyons clair. J'ai déjà bien construit. Après maintenant, quand moi je suis locataire, vous pouvez venir. Pour être comme moi, tout comme mon full option. J'ai déjà mon tambour, un hélicoptère. Je m'en. Un jet privé. Oh, jet privé, j'en ai. S'il faut regarder que ça. Ce que vous allez les bobos. La moitié de l'assemblée irait dans l'enlèvement avant William Branham. Et Katikati, il y a Banimio, Bazalaki, on a beaucoup kende, donc on a Bazala Bozui. Mais malheureusement, ce n'est pas ça la condition. Les diplômes et la position de la famille. Nos sœurs, quand on vient les solliciter pour le mariage, elles vérifient la position de l'homme. Est-ce qu'on a la position? Vous connaissez position dans la foi? Position dans la foi? Ce n'est pas pour la foi. La Bible, le lobby. Branham a l'obagé citation. C'est pas ça du tout. Position dans la vie. Position. Est-ce qu'Afandi ça m'a solo et bongo? Azana moi et hein? Là, qu'Afandi ça. Il a quelque chose. Afandi ça m'a solo. S'approche vraiment, il a quelque chose. C'est ça la position dans l'entendement de nos sœurs. Ah et voilà. Est-ce que Azana position? Pour le mariage, quand on demande position, c'est l'âge. Voilà, tout le monde sa position de caboyer. Je ne peux pas me marier à quelqu'un. Azana Toto. Si il m'arrive même dans des rêves d'avoir un mariage avec un tel homme là, ça ne peut jamais se faire même en rêve. Mais si on regarde la position ici dans la société, ce qu'on appelle standing social, la position de vie. Et le lingua comique là, ma coquille à Bobori. Il est de quel rang parmi les quand on classe les gens dans la société. Ceux qui m'avaient fait parmi les riches, à Zalikati la Babazi. Ou les la classe moyenne. Tout bazar katikati. Ou les pauvres. Bon, moi, ou alors les non-alignés. Donc, ni riche, ni classe moyenne, ni pauvre, Azara et Sigate. Non-alignés. Azara et Sigate, on a goûté Bossa Nabatanga Kaete. Ah. Mais si on ne regarde que ça, mais la moitié de l'assemblée irait dans l'enlèvement avant Branham. Ce qui compte à la bobelle pour la bombe, c'est Katikati penza na yetonga bakokenda na koneto la banque. Au côté position, mon avis, na côté ba diplôme, azala ki na yete. Non classé. Azala ki te. Mais un puissant serviteur de Dieu. Kasi musali na nguya na nzambe. Un ministère promis et confirmé. Le tomo oye et la kamaki mpe. A qui Dieu a parlé face à face. Moutou on zambe, alobaka na yelongi na yelongi. Et bota la mitu kabane koutambo la nango. Il y a ma vieille génération. Des démodés, des déclassés. Et ça là, Billy Graham, quand il passe là, la délégation Billy Graham. Ce qui est tombé à Billy Graham. Quel prince Cortex. Mais tout le monde ne peut pas l'être climatisé et tout. Mais tout le monde est sika. Au Tali Président, le Bible, quoi? Le cadre, non. Quelqu'un qui a quand même des moyens. Ça là, aura le Robert, c'est un bureau à Tonga. Aura le Robert avec ses bureaux. Le côté où nous bougi. Mais bureau à Moutoumou, c'est pas cher, mon pour un seul pasteur. Là, ma pièce en annexe, Kouna, Panine, Kouna. Donc, mais il a viré. Tongi, il a coûté. Elles ont coûté par millions de dollars. Des millions pour la construction. Et ça, là, Branham. Branham. Eh, on dirait que je passe et ça, là, maintenant, que vous n'avez pas trouvé la bawane. On peut dire que la souffrance. Mais un véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu, mais. Alors, s'il fallait regarder la position. Regardez au diplôme. Et que le Seigneur commence à enlever. Bon, le plus grand diplôme qu'on a dans l'église, c'est le Kentidoc. Le deuxième grand diplôme que nous avons ici, diplôme le Kentidoc en philosophie. Sœur Iritel. Elle est l'aveugle de haut talent. Ah, il n'y a pas que les hommes, même les femmes, Dieu valorise. Mon émancipation est foutue. Le problème là, la femme à la cuisine, c'est déjà des... Tanga, go tanga, et go futa. Et ça, oui. Ça fait, vous voyez maintenant. Et qu'on appelle la troisième personne. Oui, ben, il m'a tout. Le troisième grand diplôme qu'on a ici. Et le diplôme, mais ça t'a mené notre sanango. Un PhD en médecine. Et ça, l'idée, oh, le PhD. Docteur Intel. Docteur Lossongol. Il y a qui s'avance. Il y a un avimbanien. Le médecin est un monsieur. Tout le monde nous tient pour des dieux. Et le médecin est un dieu. Voyez, il y a un foutre à l'année qu'on tu vois, quand on étudie, ça paye. Le dernier qu'on va appeler. Il avait le certificat d'études primaires. William Marion Branham. Oh, William Marion Branham. Eh, il est le dernier. Alors, monte à Souka. Mais tout le monde a le bac. Bac 1. Baccalauréat, vous voyez. Il est le BCS. Bah, oh, besoin d'un diplôme d'État. Il était tridonc, PhD. Oh, yo, PhD, tridonc, donc, au tol, on a maillé la boum. Yé, des papiers à Soukolombo. L'école primaire, place tellement déplacée, tellement belle. William Marion Branham. William Marion Branham. Mais au moins il aura une place. Attaque au bon moi ici. Mais malheureusement, on ne va pas tenir compte des diplômes. Bon, on a ton amant. Il y a un diplôme et ça la canakati kunate. Branham a dit un diplôme de plus. Amen. Branham a dit, tant que vous avez un diplôme, vous avez un diplôme. Si tu es un enfant sage, un garçon sage, une fille sage, un homme sage, une femme sage, cherche d'abord le royaume de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Et quand je suis car si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu ne vis même pas. C'est un cadavre aux yeux des dieux. Un cadavre ambulant. Tu es mort sans te péché. Si tu dois te repentir et te convertir. Ah. C'est ce que nous devons entendre. Hein? Si nous voulons un jour subsister après ce monde ici. Ce qui te l'indique, c'est que nous avons un jour de l'église. Qui dit amen à la vérité. Abraham a eu inventé un peu frère Levi. Il dit qu'il est un docteur. En théologie bien sûr. Il n'est pas comme les autres. Pour lesquels nous adressons des reproches et tout. Qui se croient sages et intelligents au point d'ignorer Dieu, de ne pas chercher Dieu dans leur vie. Mais lui, il est un intellectuel différent qui utilise sa connaissance et sa sagesse pour la gloire de Dieu. Qui met son intelligence, ses connaissances au service de Dieu. Et Frère Branham l'aimait pour ça. Voulez-vous être cette catégorie-là? Même parmi ceux qui fréquentent les milieux universitaires, les écoles secondaires, soyez différents. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le reste viendra par après. On voit combien de gens ont eu des papiers, mais ils sont tombés morts. On vient d'employer une ici, je crois, qui venait d'être diplômée d'État. Tout le monde a dit que vous avez un diplôme d'État. Une fille. Moi. Un bon pourcentage. Mais quand ça sort, les gens vont rentrer. Vanité de vanité. Abîmé un pourcentage n'a rien malin. Quand tu aspires encore ce souffle, cherche Jésus dans ta vie. Le quoi là non, j'ai le copain, mais pas mon abo moyo. Mais ta vie en ordre. Ça va pas. Ne t'appartient pas. L'homme, il y a des gens qui ont été. Oh, c'est cela. Bon, on est les amis. Il dit ça. Alors, il considérez la responsabilité que j'ai. Et combien je le fais de façon relâchée. Je suis un serviteur inutile de Christ. De savoir ce que je sais à son sujet. Et ensuite de vivre tel que je le fais là. Ce n'est pas que je sois immoral, impur, ni quoi que ce soit de semblable. Je sais que c'est vrai. Vous voyez, mais j'essaye de mener une vie correcte. Mais j'ai simplement l'impression que je n'arrive pas à transmettre la chose. Le message divin. Mais il accomplissait ses devoirs de manière relâchée. Et il était en permanence insatisfait de la manière dont les choses se passaient. Non pas qu'il était immoral ou impur ou des quelqu'un venait dire, voyez Frère Branham lui-même. Il n'avait pas l'impression d'être correct devant Dieu. Il essayait de mener une vie correcte. Pur, fidèle, exemplaire. Et quand il se compare à la barre, à la balance. Quand il se compare au divin modèle Christ, le parfait. Il se voyait toujours insuffisant. Vous voyez que Jésus-Christ les dépassait de loin. Car en Jésus, il n'y avait ni fraude ni faute. Jésus-Christ était parfait. Irréprochable. La parole fait chair. Branham était un homme né d'un père et d'une mère. Né pécheur comme vous et moi. Donc un homme ordinaire. À qui Dieu a fait une grâce, il a confié de lourdes responsabilités. Il dit, j'essaye de mener une vie correcte. Mais j'ai simplement l'impression que je n'arrive pas à transmettre la chose. Peut-être que si c'était quelqu'un d'autre. Peut-être que très instruit. Ou quelque chose comme ça. Il pourrait les transmettre aux gens. Mais alors, on penserait que ce n'est pas tout le monde qui va de toutes les façons saisir cela. Vous voyez, il sait ce qu'il va faire. Ainsi, je me confie tout simplement à lui. Et je dis, Seigneur, je suis entre tes mains. Fais de moi comme bon testament. N'est-ce pas? C'est ce que chacun de nous doit apprendre à faire. Nous l'avons dit dans l'exhortation, j'ai dit. Si tu ne sais ni que faire, ni quoi dire, ce pour éviter ni là où tes limites s'affirment fortement. Si toi. Là où tu sens que tu n'en pourras plus. Et si vous m'avez dit que vous recours à Dieu dans la prière. Sois sérieux et fais-le sans relâche. Et il finira par inverser la donne. Dieu est Dieu qui connaît les désirs profonds de ton cœur. Il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est parce qu'il est capable de pourvoir à tous les besoins profonds de toi. Même les besoins dont personne ne sait rien. Que tu n'as raconté à personne. Dieu du ciel, ton créateur, le connaît tous. Et il lui pourvoira selon sa miséricorde. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Confie-lui tout ton cœur. Essayez. Compte sur lui et crois-le. Donc, l'enlèvement, peut-être que s'il devait avoir lieu ce matin, parmi nous ici, je ne sais pas qui ira le premier. Dieu ne me l'a pas révélé. Il me l'a caché. Au tabernacle des chrétiens, qui ira le premier? Quelqu'un a-t-il reçu la révélation de la part de Dieu? Pourquoi le nom de celui qui ira le premier dans l'enlèvement parmi nous? Nous ne savons pas. Mais l'enlèvement se produira. Ce n'est pas une hésitation, c'est une certitude. Écoutons dans les sermons, mon rédempteur est vivant. Prêché le 10 avril 1955. Le paragraphe 35. Meilleure qualification ici. Pas l'histoire des diplômes et des positions sociales. Et étant ressuscité avec lui aujourd'hui. Étant ressuscité pluriel. Avec lui aujourd'hui. De la mort, de la vie des morts dans les péchés. Que Dieu nous ait ressuscité. Par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Étant ressuscité avec lui aujourd'hui. Sur le plan spirituel, hein? De la vie du péché à la vie de sainteté. De la vie de mondanité à la vie de Dieu. De la vie impure à la vie pure. De la vie d'injustice à la vie de justice. Sur le plan spirituel. Étant ressuscité avec lui aujourd'hui. Nous sommes côté position. Voilà la bonne position. Pas le standing social. Position sur terre par rapport aux avoirs du monde. Mais position spirituelle. Nous sommes côté position. Assis avec lui dans les lieux célestes. Hein? Pour celui qui médite correctement la Bible, il sait à quoi Branham fait référence dans son langage ici. À quelle référence biblique? Même s'il ne la cite pas. Mais le langage qu'il utilise là. Épuisait de quel chapitre de la Bible? Quel chapitre? Éphésiens, c'est pas un chapitre. Entendez la question. Épuisait de quel chapitre dans la Bible? On calme. C'est un deuxième chapitre. De quel livre? Mukandani. La question commençait par le chapitre. C'est le chapitre 2. De quel livre? Il y a Mukandani. Ephésiens. Bah, Ephésiens. N'est-ce pas? Zali Bongo. Ce qu'il est en train de dire, c'est référé à ça. Ouais, c'est ce que j'aime vous apprendre quand vous lisez le message, ayez la Bible à l'esprit. Parce que le message est une prédication de la Bible. Donc vous ne prenez pas ça en l'air comme ça. Et vous dites, voilà, Branham a dit ici, il a dit ça. Ça des soubassements. Il y a des références qui s'enchaînent comme dans une prédication. Mais on n'est pas obligé de tout citer littéralement ou de tout lire littéralement. Quand on cherche le temps qui il y a des choses qu'on affirme seulement. Mais pour celui qui est affermi dans la parole, il sait que ce qu'il dit là, c'est dans l'esprit de telle référence. Ce qu'il dit ici, c'est tel chapitre. Ici, c'est tel verset. C'est tel livre de la Bible. Êtes-vous là? Ok. Quand vous n'avez pas cette aptitude, vous allez forcément vous égarer. Et tirer des conclusions qui ne sont propres qu'à vous, des compréhensions qui deviendraient trop personnelles. Détaché de la doctrine biblique. Et vous serez en train de dire, Frère Branham l'a dit, je peux vous le prouver. Vous ne dites pas ce qu'il a dit. Vous déformez et vous abîmez ce qu'il a dit. Mais il faut le dire dans le même esprit. Dans le même contexte. Avec les mêmes références en arrière-pensée. Alors, il dit, étant ressuscité avec lui aujourd'hui, nous sommes côté à position. Donc là, vous prenez Ephésiens chapitre 2, prenez le verset 5 à 7. Vous saisirez la pensée qui est dite librement ici. Et là, c'est notre position en Christ. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses. Il nous a rendu à la vie. Avec lui. N'est-ce pas? Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En disant, il nous a fait asseoir, c'est là que le mot position sort de la bouche de Branham dans cette citation. Position, il se réfère à la phrase biblique, il nous a fait asseoir. Mais tu ne vois pas comment ça dit non. Branham a dit côté position. Mais quand j'ai dit dans Ephésiens 2, je n'ai pas vu le mot position là-bas. Je ne vais pas trouver le mot position dans Ephésiens 2. Mais le mot position se cache dans l'expression biblique, il nous a fait asseoir. Or faire asseoir, c'est donner position à quelqu'un. La parole elle est spirituelle. On ne vient pas avec des logiques purement intellectuelles pour espérer se tirer d'affaires. Il faut qu'elle vous soit révélée. Étant ressuscité avec lui aujourd'hui, nous sommes côté position, assis avec lui, et maintenant nous sommes prêts pour le futur enlèvement. Alors frères et sœurs, la position qu'il faut chercher d'un homme, d'une femme, ce n'est pas la position dans la vie terrestre ici, ou à son position, il faut la position dans les royaumes de Dieu, dans le corps de Christ, dans l'église du Dieu vivant. Amen. Esika na yo kati na nzoto na Kristo kati na ekeleja na Nzambe kati na bokonzi na Nzambe. Moto ena na osoba temu li Saint Esprit azana mituka na bakonto bankere koti mbongo, laissez-moi vous dire, azana position te. C'est lui qui n'a jamais été baptisé du Saint Esprit. Laissez-moi vous dire que qu'il ait l'argent, qu'il ait tout, qu'il ait des voitures, il n'a pas de position. Lobby, hein. Si vous avez balayé, le gola bilobo n'a eu ma position miniatowana, à voler l'Isayo. Si tu fais le mariage à cause de la position de ce monde ici, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, Michel. À quoi les lissaillons? Tu vas pleurer. Un jour, un papa, dans la prédication, un paradoxe, Frère Branham parle de cet exemple. Son fils a terminé les études universitaires. Moi, qu'elle a si à et après ça, après avoir eu un grand diplôme comme ça, il a trouvé du bon travail. Nassima, na kotanga na kozolo kasana ye a diplôme amené na boye azot musala malam. Alors, il vient voir Frère Branham, son papa. Il dit, mon fils vient de finir, je suis fier. Tata moi ye komane de Branham malam. Il m'a honoré. Classe à Pessinga Lokumu. Je suis fier de lui. Il a suivi ce que je lui ai dit. Maintenant, que me conseillez-vous? Je peux se le trouver maintenant, lui faciliter le mariage? Branham dit non. Branham a qu'il cherche d'abord le baptême du Saint-Esprit. Et il ajoute, parce que sinon, ce qui bon côté, il va faire un enfer pour elle. Moi, je suis à Kobalawana, à Koumemeleir, Penzalifelo. À Kotongelifelo, on a cher. A ce diplôme, hein. Il a eu son diplôme. Mais il y a un autre Libala. un bon travail. Cela n'est pas un mariage. Il faut chercher d'abord le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont vu Saint-Esprit, malgré le diplôme, malgré mon salaire, il y a bien. Ton salaire, à côté de la moisson, à Gobala, l'Ifelo. Il va faire un enfer pour la femme ici, sur cette terre. Sœur, dis amen à la vérité. De quoi moi si? Dis-nous, on te voit à la position. Vous qui regardez souvent, comptez sur la position. Les Kamboloko, la Libala, aux autres, la position sur la terre. Le problème du mariage, il ne faut pas voir la position de cette terre. Et maintenant, on retourne à Balako. Batata moi c'est ma maman qui te lit. Tu vas demander. Mais oui quoi? Tante diront. Il faut tout le monde à Gazaka même un homme responsable. Qu'il soit un homme. Tu ne peux pas dire irresponsable. On ne peut pas donner un mariage à notre fille à un homme. C'est tout ce que je vous donne comme conseil. Nous ne sommes pas le côté royaume de Dieu, zéro. Ou le royaume de Dieu. Ils n'ont rien à dire parce qu'ils n'ont même pas position eux-mêmes là-bas. Ceux qui vous donnent conseil, ces gens-là. Très aptes pour vous égarer. Bazali, écoutez le conseil de Dieu. Et à la frère. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et soit toi, notre sœur, notre frère. Toutes les autres choses, le reste, mariage, voyage, moussara et poussot. Le reste de et manger, boire, nous serons donnés par-dessus. Si tout le monde faisait ça, nous aurons des problèmes dans les couples. Je vous dis vrai. Si tout le monde, et les frères, les sœurs, mais regardez, nous devons commencer à bambou les belles églises, à l'ouvrage de la salle, à l'ouvrage de l'esprit. Mais avant, normal. Quelqu'un qui fait. Oui, il y a une capacité, Libala. Dossier dans Libala, ils sont où, mais là. Mais jamais à quoi un pasteur, les capacités de l'esprit, ils sont où, mais là. C'est même pas son souci. Il ne s'intéresse même pas pour le baptême du Saint-Esprit. Il peut compter le nombre de cours que son dossier compte chez les pasteurs. Pour la maman mabala. Mais pour la âme naïe, à ça la souci à mon côté. À qui pas côté. Ce qui a pêché, il dit qu'on a eu un libal et pas un mobat, il y a un abandi au temps à mon colo. Et ça lui dit que le bon niveau est nabou. Car si pour la moelle, il y a un banda, quand on a tabernacle des chrétiens, on a tout à ta tête pour la Nicolas, ça salue un. Mouli moussant, tu y as vos hommes colonies. N'a pas fait le baladu le colouana. Même nos sœurs, ils ont emboîté les pas. Oh oui, quoi, mais il faut quand même pasteur et le mot copé. Abeille ta chaud. Il faut que le pasteur fasse un peu vite. Non, pas pasteur. Il faut faire le mot abeille ta chaud. Il faut que le pasteur fasse aussi vite. Ah. Mais sœur, vous êtes contaminé. Vous influence aussi. Regardez-moi ça. C'est le royaume de Dieu qui est prioritaire. Toutes les choses concourent à notre bien. Tolobi, amen. Combien tu vite pour le roi. Parce que Frère Brunam a dit entrer en Christ à toute vitesse. Mais jamais il n'a dit entrer dans le mariage à toute vitesse. Il dit ne conseiller à personne d'entrer précipitamment dans le mariage. Ne conseiller à personne. On doit y entrer sagement, prudemment, patiemment, après avoir suffisamment prié, jusqu'à recevoir la réponse de Dieu. Aujourd'hui c'est la Libala. La parole de Dieu. Voulez-vous marier? Sois patient. Sois patient. Sois prudent. Sois prudent. Où est l'issacaté? Tende malembe. Bonde la mingi. Sinon, on soit yam ensemble. Faut beaucoup prier jusqu'à recevoir la réponse. Mais pendant que ça, pourquoi c'est ensemble? On t'a dit d'aller très très vite. Ils ont amené à la vérité. Amen. Est-ce que nous pouvons changer par là notre mentalité? Pour commencer, il y a comment on a magamandé le pasteur par mon accent. Pour commencer à voir les choses comme le passé, l'autre a passé. Magamandé pas les gens où elle est allée. Le mariage. Voilà tout qui est malin. Oui, allons doucement. Et ça lui va, Bamboula. Eh, Bassanza, Bamboula, problème, t'es. De moi et de. Qui te fait, on a dit, écoutez les moitiés. Mais, ici, qui te fait, on dit, ce n'est pas tard. C'est pas qu'on a un cadavre qu'on va enterrer, tout ça en bambou. On n'a pas eu. Écoutez les gens, Bassangaté. Et c'est une patience. Amen. Et c'est une malombo yatang moulaï. Ça demande la patience. Que nos âmes aient des prières. Mais pas le conjoint Saint-Esprit. Là, il faut aller vite. Aller vite pour ces choses-là. Alors, ne soyons pas pervertis. Qu'on ne vienne pas comme dans le yenge, dar. Ce n'est pas une aventure ici non. Avec le peuple. C'est pour entrer dans le royaume, oui. Mais pas dans ma gambalibala. Dans ma gambalibala, il y a des secrets qui peuvent sortir avec le temps. Oui. Soyons patients. Amen. Amen. N'allez pas parler en absence du pasteur. Croyons l'évangile et changeons notre mentalité. Amen. Nous devons nous adapter et nous ajuster à la parole. Amen. Parce que quand on dit d'être patient, lui qui se disait spirituel, vous pouvez entendre qu'il est allé. Vous aussi, il y a des lois, mais vous mettez la patience, il faut éviter ce qu'on a dit. Pourquoi ceci? Mais passer à Zoro Gaza, mais comment tu veux te demander qu'à Zoro Gani? Cherche la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu pour votre mariage. Nous aussi, vous avez un bâle, maintenant, tu es allé. Vous avez fait les autres, ça y est. Tu es allé en crossé, vous venez encore la scène. Si vous voulez côté moyen, la maintenant, pour suivre des choses dans la forme. Va là où tu es. Comme ça, si ce n'est pas un ordre, nous allons te sanctionner. Ce qui est allé alimenter aux yeux tout le monde. C'est ça, hein? Nous devons être sérieux. Et c'est que tout ça la dingue. Et suivons ce que la parole de Dieu nous commande de faire. Amen. Suivons la vérité, conformons-nous à la vérité. On est pressé pour les choses de ce monde. Et concernant les choses de Dieu, on est vraiment dépaysé. Une sœur qui n'est même pas encore baptisée. Une fille d'un frère. Yo moté makuna kaka. Oh, on a prêté sœur wana. Nana est-ce que ça c'est? Nana soit ça va t'aimer. Où comme nous tous nous sommes là, où t'es? Vois dans l'église. Non. Une fille qui n'est même pas. C'est une païenne. Et ça les a pas qui s'est Dieu n'a pas de petit fils. Zambé à ça là bas pourquoi où t'es? À ça ça moi n'a pas sœur. Où c'est la fille du pasteur? Mais nana soit ça va t'aimer. C'est une païenne. Elle allait pour passer. Êtes-vous là? Vous êtes là. Oh, Adam, on a pasteur, à beaucoup d'amis malades. Vous voyez comment vous pouvez vous mettre la main. Nous cherchons le royaume de Dieu. Amen. Si ce garçon-là n'est pas encore baptisé, c'est un païen. Ceux qui m'ont pas la main dans la vie du baptiste, c'est un païen. Amen. Est-ce que ça clair? Vous allez parler? Est-ce que vous avez des souvenirs que ça m'a calé la demande? Va encore faire ça. Tant que vous voyez mal arrêté au pasteur, alors ça la bonne vie à moi n'en aille. Si tu ne vois pas que ça marche, non, pasteur, elle refuse pas que c'est sa fille. La parole, l'iloba. S'il vous plaît, la parole. L'iloba, on a 5000 l'iloba. Vous voulez nous demander de faire un compromis pour Esaïe? On ne fera pas aussi de compromis parce que c'est toi. La parole, c'est la parole. C'est la parole. Amen. Amen. Pourquoi le pasteur a boyé une gâteau ouana? Nana, il dit ce qu'on va faire. Pourquoi le pasteur m'a réussi? À quoi ma sœur depuis quand? Qu'est-ce que c'est qu'il sert? Quand on vous dit la vérité, maintenant vous allez murmurer. Si on te dit la vérité, il y a aucun monde. Non, la parole est faite pour être appliquée. Amen. Il n'a pas salamé pas cette vie qu'il a en nous. Étant ressuscité avec lui aujourd'hui. Nous sommes côté en position. Assis avec lui. Et maintenant nous sommes prêts pour le futur enlèvement. Attendant ce glorieux moment. Notre corps reposera en sécurité. Nous le savons. Il n'y a pas le moindre doute dans ma pensée aujourd'hui. Il n'y a pas le moindre doute dans la pensée de toutes les personnes qui est de nouveau. Mais il y a plutôt l'assurance qu'elle sera là-bas. Aussi sûr qu'il existe un ciel là-haut. La question, sera-tu enlevé au ciel bientôt? Nous dit pour toute personne qui est véritablement née de nouveau, l'enlèvement est d'abord une certitude. C'est un événement promis par le Seigneur qui est le témoin fidèle. Il y aura effectivement un enlèvement. Et cet enlèvement est très proche de nous. Maintenant, il ne faut pas compter sur votre diplôme. D'une école ou d'une université. Ne comptez pas sur votre standing social. Vous allez réussir. Question, es-tu né de nouveau?